Je ne t'aime plus. Non, non, je ne t'aime plus. Oui, j'ai dit oui. Mais laisse-moi un peu tranquille. Tu as cherché, tu vas trouver. Oui, j'avais dit oui. Le jour de notre mariage, oh, que nous étions heureux. Tu n'es plus sage comme l'image que t'es posée devant mes yeux. La petite chambre de notre première nuit. Je te dis doucement, mais non, je ne t'aime plus. Non, non, non, ne me fais pas la guerre. Tu n'es vraiment plus rien pour moi. Écoute, je suis sincère. Il faut s'en tenir là. J'ai dit oui, mais laisse-moi un peu tranquille. Tu as cherché, tu vas trouver. Oui, j'avais dit oui. Le jour de notre mariage, oh, que nous étions heureux. Tu n'es plus sage comme l'image que déposer devant mes yeux. Je revois la petite chambre de notre première nuit. Je te dis doucement, mais non, je ne t'aime plus. Non, non, non, non, ne me fais pas la guerre. Tu n'es vraiment plus rien pour moi. Je suis sincère, il faut s'en tenir l'âme. Je ne t'aime plus, non, je ne t'aime plus, non, non, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, non, non, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, non, non, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, non.